J'aime pas l'histoire, présenté par Nicolas. À tous ceux qui ont été traumatisés par les cours d'histoire dans leur jeunesse, mais qui aiment se poser des questions, connaître le début, savoir quand arrive la fin, et à ceux qui aiment la préhistoire, cette chronique est faite pour vous. En effet, quand commence l'histoire? Et la préhistoire? Commençons par le commencement. La préhistoire, comme son nom l'indique, précède l'histoire. La préhistoire est la période allant de l'apparition des premiers hommes préhistoriques, il y a environ 3 millions d'années, à l'apparition de l'écriture, au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Au cours de cette très longue période, plusieurs groupes d'humains, avec des caractéristiques physiques différentes, se sont succédés. Le mode de vie des hommes et des femmes s'est aussi transformé, avec notamment la domestication du feu, l'utilisation des premiers outils, l'évolution des techniques de la taille de pierre, et le passage du nomadisme à la sédentarité avec la pratique de l'agriculture, c'est-à-dire le passage d'un mode de vie fait de déplacement à un mode de vie autour d'un habitat fixe. L'histoire a donc commencé avec l'apparition des premières traces écrites. Les premières formes d'écriture sont apparues au 4e millénaire avant Jésus-Christ en Mésopotamie. C'est une région parcourue par deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, qui correspond aujourd'hui à l'Irak, ainsi qu'à une partie de la Syrie et de la Turquie. Les premières formes d'écriture sont apparues en même temps que l'apparition des premières cités-états, c'est-à-dire des villes indépendantes avec leur propre gouvernement en Mésopotamie. Ces villes ont eu besoin de compter leurs récoltes, de faire du commerce, de mettre par écrit des lois, et ont donc eu besoin de l'écriture. Mais comment écrivait-on au 4e millénaire avant Jésus-Christ? Il ne faut pas penser aux gestes très communs tels que nous le pratiquons aujourd'hui avec un stylo en traçant des lettres sur du papier. L'écriture se faisait sur des tablettes en argile, puis sur des stèles de pierre. Elle a d'abord pris la forme de signes, des pictogrammes. Puis elle a évolué et a pris la forme de signes en forme de coin. On appelle cela l'écriture cunéiforme. Un peu plus loin de la Mésopotamie, en Égypte, toujours au 4e millénaire avant Jésus-Christ, ce sont les hiéroglyphes qui ont été utilisés comme première forme d'écriture. L'apparition de ces premières formes d'écriture marque donc le début de l'histoire et de sa première période, l'Antiquité. En effet, l'histoire telle qu'elle est enseignée et telle qu'elle existe se compose de quatre grandes périodes. L'Antiquité, dont on a parlé, qui commence au 4e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'en 476 après Jésus-Christ. Ensuite vient le Moyen-Âge, de 476 jusqu'à l'année 1492. Ensuite, c'est au tour de l'époque moderne, plus méconnue, mais à l'intérieur de laquelle se situe notamment la Renaissance. L'époque moderne va globalement de 1492 à 1789. Enfin, c'est l'époque contemporaine, qui commence donc en 1789 et va jusqu'à nos jours. Chaque période commence et s'arrête avec une date majeure marquée par de grands événements qui ont des conséquences pour les sociétés. Voilà donc, grâce à ces informations, vous devriez pouvoir mieux vous situer dans le temps. L'histoire a donc bien début, mais n'a pas de fin. À bientôt.